Pour fêter ses 50 ans, le Café Théâtre du Point vous propose un dîner-spectacle exceptionnel. Tous les soirs, de 19h15 à 23h30. À 19h15, le dîner et le menu point bar, avec trois plats et une boisson. Et à 21h, le spectacle commence. Réservez vos billets avant le 18 mars sur notre site internet ou par téléphone 01 45 09 79 99. Pour avoir plus d'informations sur le spectacle, vous pouvez aller sur le site internet du Café Théâtre du Point www.café-théâtre.fr. À bientôt.